Les comités préparatoires bangladais et libyens pour la célébration de la journée du soleil et de la journée de la brillante étoile ont été constitués les 23 et 24 janvier. Ils prévoient organiser des activités politiques et culturelles à l'éloge des exploits des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, comme séminaires, séances cinématographiques, expositions de livres, etc. D'autre part, le comité préparatoire indien pour la commémoration du 75e anniversaire de son excellence M. Kim Jong-il a vu le jour le 24 janvier.